samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Comme je le dis souvent, installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de prog. Ce soir, on a encore un excellent choix et on va amorcer ce premier bloc musical avec des extraits de deux albums qu'on vous a présentés la semaine dernière, c'est-à-dire De Rossi et Bordini, de l'album De Rossi et Bordini, un duo formé par le claviériste de Taproban et le batteur de Cherry Five, mais aussi il a aussi réalisé un album dans les années 70, en 73, Opéra Prima avec Rusticelli, donc c'est Rusticelli et Bordini. Un album, pas un classique, là, mais plusieurs amateurs de prog italien ont une place spéciale dans leur cœur pour cet album. Et puis, ça sera suivi de Nathan, le nouvel album, le troisième, Uomini di Sabbia. Et puis, après Marc, on se dirige pas très loin de l'Italie, on passe tout simplement en France. Oui, on aura un nouvel extrait du nouvel album de Jean-Pierre Louveton, JPL, l'album Sapiens, troisième chapitre. Il a devancé un petit peu la parution, là, donc c'est paru le 5 mars. De ce nouvel album, on aura la pièce Momento Mori, Paria. On aura également un nouvel extrait du nouvel album de Björn Ris, qui devrait paraître le 8 avril prochain, son quatrième album en carrière, Everything to Everyone. On aura la pièce Run. Et on aura également une pièce de nouvelle formation norvégienne, la formation Knek Electric, qui feront paraître leur nouvel album au mois d'avril, un album intitulé Alt Blir Vert. Et on aura la pièce Muknado de cet album. Mais on débute d'abord avec une nouvelle pièce de la nouveauté italienne de De Rossi et Bordini. We'll be right back.

na rodnym pie ze mnie relaszu ta szoła. CKRL 89.1. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix réguliers en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita. Pour cette seconde demi-heure, on va y aller avec un extrait d'un album de Dybul Longden. Longden, peut-être le nom vous dit quelque chose. En fait, c'est une collaboration entre la chanteuse Judy Dybul et David Longden, le défunt David Longden de Big Big Train. Un album est paru en 2020, Between a Breath and a Breath, une très belle collaboration entre les deux artistes, tous les deux malheureusement décédés. Et on va voir la pièce Astrologers. Et puis, on aura aussi de Suède, Jonas Lindberg and the Other Side, de l'album Miles from Nowhere. Je suis tenté de dire de l'excellent album Miles from Nowhere. On aura la pièce Astral Journey. Et on poursuit, Marc, avec, sauf erreur, une formation de Paris. En effet, il s'agit de la formation Far From Your Sun, qui ont fait paraître un premier album en 2016. Et donc, il va y avoir un nouvel album là, qui va paraître bientôt. Donc, l'album s'intitule The Origin of Suffering. On aura la pièce Enough. On aura également un groupe de l'Espagne. Ils sont de Jerez de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, le groupe Homestesia. Et c'est leur premier album paru en 2021, Face to de Nefas. On aura la pièce Mad King. Et on aura également une excellente pièce de... Je suis tenté de le dire moi aussi, l'excellent album de Stefano Lupo Galifi, Dei Ricordi on Museo. Donc cet album paru en 2021. On aura la pièce L'Amante, mais on débute, comme tu l'annonçais, avec Dybul Longden. Oh, Oh, stop it now, you astrologers. and shake under my feet. My world may fall apart, but I know I will be okay in my heart. When I hit the floor and scream, when the colors fade, in my heart I know strength and steel. My heart is made of gold, and all of my hardships are stories to be told. One day you will hear of me, a tale as old as time, the self-fulfilling prophecy. ciclico pensiero mi sfiora leggero e la sottile conseguenza mi attira da sempre. Se doppia, disdoppia e raddoppia il vortice orizzontale del mio dormiveglia. Mi coinvolge nella sua spirale e perdo, io perdo, e perdo il senso, perdo il senno, e non individuo più il mio volere afflitto dalla tua nera volontà. Perché perché sei tu la soluzione. Ogni notte ti attendo sperando che tu sia leggera. Ogni notte sfugo, mi allontano da te e da ogni tua alterazione. Disorientato, io cerco cosa sia l'oggetto della mia ingordigia. Se doppia, disdoppi e raddoppi, il temporale si attenua e si allontana. È caldo, mentre l'amante mi culla il viso, ed impalpabile attendo che ritorni a trovarmi ancora nella prossima notte. Sei tu la soluzione, ogni notte ti attendo sperando che tu sia leggera. Ogni notte ti sfugo, mi allontano da te. CKRL 89.1. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizzas et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on terminera avec la formation japonaise The Earth Explorer, tel qu'était le titre de leur premier album. On ira avec un extrait de leur second album, intitulé Trans-Europe Expression. On aura l'excellente pièce Intersection. On aura également la formation espagnole Fruteria Tony, tirée de l'album El Porvenir Está en las Huevas, paru en 2020. On aura la pièce Agonia en Koyukuk. On aura également la formation norvégienne Professor Tip Top, tirée de leur plus récent album Lanes of Time, paru en 2021. Ce sera une courte pièce intitulée The Sound of Proton Flow. Mais tout d'abord, Michel, une formation du Royaume-Uni qui nous a présenté un premier album en tout début d'année. Oui, on parle de Retreat from Moscow, une formation originaire de Cardiff, et puis un groupe qui a été actif fin des années 70, début des années 80, mais finalement, il n'y a aucun enregistrement qui a été réalisé à l'époque. Le groupe s'est réuni en 2018, et puis ils ont récupéré du matériel de l'époque et de nouvelles compositions pour leur tout premier album, que je dois avouer, j'apprécie de plus en plus au fil des écoutes. On écoute donc un extrait de The World As We Knew It, et c'est la formation Retreat from Moscow.

Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL. 4, 3, 2, 1. Ma TV et CKRL qui s'unissent pour parler de culture. Quoi de plus beau, sincèrement? Ma TV, 9 Elix, chaîne exclusive Vidéotron et CKRL, un binôme, un tandem au service des arts et de la culture de Québec. Ma TV et CKRL, parce que la culture, c'est notre réalité. Les skatepunkers de Hate It Too sont de retour avec un tout nouvel EP, Gaslighting. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés à la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita. Alors, dans le prochain bloc, on aura une longue pièce de la formation Nodo Gordiano, une formation italienne qui ont présenté leur sixième album à la fin 2021, un album intitulé X-H-E-X. Et sur cet album-là, il y a seulement deux pièces, deux longues pièces de 26 minutes chacune. Et Michel, ça c'est une formation que tu m'avais fait découvrir en particulier avec leur album Nous. Et c'est une formation qui ne cesse de se renouveler. C'est vrai que c'est un groupe en constante évolution. Je pense que le secret, c'est que ça réside en partie dans le fait que plusieurs membres se sont succédés au sein de Nodo Gordiano, formation qui a commencé à la fin des années 90 comme un groupe hommage à Genesis et King Crimson. Et King Crimson, je dois dire, est resté un peu comme le point d'ancrage de ce groupe. D'ailleurs, les musiciens ont présenté des concerts avec John Wetton, des concerts hommage à King Crimson. Un premier album est paru en 1999, Nodo Gordiano, suivi de Alea en 2005, Fleck Togon en 2009, Nous, l'album que tu parlais, Marc, en 2014, et c'est été suivi de Sonar et bien, maintenant de X. On y va donc avec une version plus courte d'une pièce de ce plus récent album de cette formation romaine. We'll be right back. Ce soir, on a choisi de vous laisser avec, premièrement, un extrait du plus récent album de la formation italienne Sintesi del Viaggio di S. C'est l'album Gli Alberi di Stravopol. Et puis, on aura aussi un multi-instrumentiste britannique, Chris Yekoski, et son album Anomalous Material. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, mais on vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Sulla strada, gli alberi di Stavropol. Si aprono lunghi viali, le colline, dentro, fuori la città. Soltanto la pace di un mattino di sole. Passo dopo passo la mia ansia si placa, passo dopo passo il vento si ferma e torna soltanto la pace di un mattino di sole. Thank you. Passion, culture. Ce qu'on voulait, c'est que ça soit essentiellement une aventure humaine. Par contre, c'est important aussi d'expliquer aux gens qui n'ont pas vécu l'immigration, qui n'ont pas fait de démarche eux-mêmes, la complexité de ce processus administratif-là. C'est-à-dire qu'on n'émigre pas au Québec comme on rentre dans un moulin. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Est-ce qu'on veut vraiment que les immigrants évoluent? Est-ce qu'on veut vraiment que les immigrants se développent? Est-ce qu'on veut vraiment qu'ils aient les mêmes privilèges que tout le monde? Je sais pas. Je pense que c'est important justement de se métisser, de casser le système des castes, puis de justement donner naissance aux néo-québécois. Voisins, voisines d'ailleurs. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Non, non, ce n'est pas une erreur. Faut que tout est officiellement de retour avec leur album Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes de streaming. Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal. À moins que l'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier. Et que pour bien des gens, c'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. C'est la meilleure mauvaise soirée que j'ai passée dans une cuisine de toute ma vie. Premier acte en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et Parabole présente Dans l'eau chaude, un balado sur les pires soirées à vie de restaurateurs connus. Je me suis mis en petite boule, je me suis mis à pleurer. Disponible en primeur à l'émission En aparté sur les ondes de CKRL du 14 mars au 11 avril et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. C'est quoi le maudit problème avec le jujube? Dans l'eau chaude, un balado au cœur d'un service qui tourne au vinaigre. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume.